J'essaye même plus de décrocher. Si Rose, tu vois, à 30 ans, ma vie est-elle donc gâchée? Alcooliquement parlant, tous les chemins mènent au rhum. Sens-tu l'odeur du citron pressé, man, cet arôme? Originaire des dom-dom, biggity pom-pom. La peur se trouve, la réalité tournée comme un sitcom. Plus une goutte, je fouille, je compte les douilles. Mon t-shirt se mouille, les filles patrouillent, pris pour ma dépouille. Ma vie est une roulette russe dont je contrôle le jeu. Jeu auquel peu à peu j'ai pris goût. J'ai plus envie de lutter, la prophétie se joue de nous. Adepte de l'obscur, espèce des chus venus d'en bas. Du monde étalé, des camions condamnés. Le repère des rats, et des hyènes affamés. Y'a pas de dieu par conséquent, pas de rédemption. Pas de vie, notre existence est faite de shit et de malédiction. D'abomination, ici même les femmes cherchent commerce avec le démon. Le drame, quand les grammes deviennent des kilos. Viens dealer ta cam, ici si t'as du culot. Pas de fils d'avocat, y'a pas de fils de médecin. Mon ta fallucine, notre virus n'a pas de vaccin. Pas d'antidote, avec moule la poisse qu'on plotte. Viens faire un tour en bas, tu verras tout le monde flotte. Tout le monde périt, les corps pourrissent, les vautours se réunissent. Nos justices, nos pistes, cause iris, bénisse la cannabis. Cannabis, cannabis, cannabis, cannabis, cannabis. J'donne des vitamines au MIC. Vitamine C, un truc bien tassé, bien pressé, pour bien décompresser. Mais qui sait, bonne question CJP. Je suis un type qui tripe sur les tasses et les billets. Éclate-toi, laisse-toi aller, allez. Ici y'a pas de loi, y'a pas de contrôle de papier. C'est le pied coupé, je suis équipé d'un nouveau style. Pour abattre la maille, bébé, et les vies faciles. Goûte ça, ça arrache, attache ta ceinture. Sache que je lâche des textes pour être yes dans le futur. C'est sûr, je le jure, non, je lâcherai plus l'affaire. J'en ai marre de tenir les murs, c'est dur, dur, la galère, les frères. Braque, mac, shoot les bounties. Certains font des choix à de sac, d'autres vendent des custody. C'est comme dans Freddy, ici c'est tout sauf le paradis. Les mecs deviennent tous fous parce qu'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sortie. Mais j'arrive, man, de la cage d'escalier. J'ai des risques et chopé, c'est la réalité. Mais d'où j'arrive, man, de la cage d'escalier. J'ai des risques et chopé, c'est la réalité. Faire de l'oseille, prime sur les conseils des anciens. Malsain, vol comme Lupin, tu comme Paulin. Assassin, pas de l'arsène, j'assène oral Florène. Blasphème, dans l'arène, fais cramer ta reine dans la rue de Rennes. Le yang, le ying, je te montre en breakling dans le ring. Vicieux comme Don King, cruel verbal king. De la balle comme Otis Redding. Mani, j'ai l'art la manie comme Giorgio Armani. Rose comme Hugo Boss pour les gosses de la Tessie. Kiff, Harpel et Van Cleef dans le récif. Marche toujours en Stan Fliff et Weston, j'marçonne voiture bélier. Les alarmes résonnent pour le quartier, pas de quartier pour les vitrines de quartier. Trimarim, Merim pour Jacques Mesrine. Mesquine, y'a pas eu de quartier comme la sape tapée. Étiqueté Versace, fâché. Qu'on vend des verres, frère. Pas des sachets, on boit des verres. De mots et chantons, prends un canon kitsi. Un double bourbon, les mômes rêvent de bosseront. Plus tard ils bosseront, bosseront sont prenant les rançons. Dans des sacs Louis Vuitton, mec ton mauvais garçon. La galette, la pas du gain. Gare à l'hameçon, gare à l'hameçon. D'où j'arrive, man, de la cage d'escalier. J'ai des les risques et chopé, c'est la réalité. Mais d'où j'arrive, man, de la cage d'escalier. J'ai des les risques et chopé, c'est la réalité. T'es un grand rebelle, mais je n'en vis pas sans d'ocane. Jacques Mesrine, c'est VBT, y'a pas d'âme. La carrière d'Al Capone, c'est fini. Yo, bagne, tiens que les airs sont inclinés. Pas eux, sont blâmés. Mais d'où j'arrive, man, de la cage d'escalier. J'ai des les risques et chopé, c'est la réalité. Mais d'où j'arrive, man, de la cage d'escalier. J'ai des